C'est la 159e fois que je vous salue sur cette antenne de Fadjet 94.2. Je dois dire que j'en suis très fier. C'est Serge en votre compagnie pour vous faire partager un nouveau coup de cœur. Mais avant, une nouveauté qui est directement adressée à Madame la maire de Paris. C'est Pierre Perret qui s'y colle. Écoutez plutôt ce qui suit. Paris, Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents. Ils savent qu'ici les véganes pas idiots les nourrissent qu'avec du bio. Pour traverser les tranchées, les travaux, c'est pire que le col de Roncevaux. Les déjections qui fleurissent les trottoirs décorent ce grand dépotoir. Pauvre Paris, Paris en lady, dans quel état ils t'ont mis? Ils avaient promis le Nirvana et c'est la Bérésina. Où es-tu Paris, lumière des cités, qui était de la France la bergère, quand les crétins frappés de cécité firent de toi une pétaudière? Les plastocs jaunes, les affreux bitognos qui bornent des pistes à vélo, les plots de béton, piétons, prend du star, sont d'authentiques œuvres d'art. Pauvre Paris, Paris en lady, toi qui fus le paradis, te voilà fringué Waterloo par nos gentils écolos. Y'en a qui écrivent des conneries sur les murs, ceux qui ont rêvé d'être Arthur, et d'autres qui se prennent au feutre ou au pinceau pour Baudelaire ou Picasso. Rue de Rivoli, devenue rue de Rivello, l'ambulance a du boulot. Ça grille les feux, vélos et trottinettes, au carrefour font des omelettes. Dans Paris, l'hiver comme l'été, on touche pas à la saleté. Les vieilles télés, les tonnes de détritus s'empilent gaiement dans les rues. Pauvre Paris, devenu si cracra, on sait bien qui t'a fait ça. C'est des crânes de piaf, des gourdis qui bouffent des graines à la mairie. Dans Paris, Paris rapiécé, c'est la mocheté qui est passée. Les bancs publics et les fontaines Wallace, c'était pas si dégueulasse. C'est à Barbès, la chapelle, Stalingrad, qu'on trouve les squats les plus crades. Et dans les squares où plus un enfant joue, y'a que des seringues et plus de nounous. Dans Paris, Paris dégoûtant, oui, seuls les rats sont contents. Et le Paris du grand Charles outragé, c'est un Paris saccagé. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Karen Cheryl. Allez, je vous révèle tout de suite de qui il s'agit. Karen Cheryl, nom de scène d'Isabelle Morizet. Elle est chanteuse, comédienne, animatrice de radio et de télévision française. Elle est née en juillet 55 à Saint-Germain-en-Laye. On en reparle pendant une heure. Alors notre coup de cœur est d'abord connu sous le pseudonyme de Karen Cheryl, C-A-R-E accent grave N-E, puis Karen Cheryl, K-A-R-E-N. C'est une chanteuse de variété dans les années 70 et 80, avant de devenir comédienne, notamment pour des sitcoms, puis animatrice audiovisuelle. On va vous expliquer tout ça. Au début des années 2000, elle reprend son nom de naissance qui est Isabelle Morizet. Donc elle débute dans la musique en prenant des cours de batterie et obtient le premier prix du conservatoire. Après son bac obtenu avec mention, elle passe accompagnée de sa maman une audition chez Claude Carrère fin 1974 dans l'idée pour lui de trouver une nouvelle Sheila, puisque cette dernière étant en 1975 une femme mariée, enceinte, donc moins susceptible, selon son producteur, de séduire un public jeune. Elle est alors repérée, je parle de Karen, par son ami, son secrétaire, Humbert Petrucci, alias Humbert Ibach, dit Mémé. Elle prend pour nom de scène celui de Karen Cheryl de 75 à 78, qui sera donc américanisé à partir de 78. Et ça, cette américanisation, elle coïncide avec la sortie de sa première chanson disco en anglais, Sing to Me Mama. On va l'écouter, nous on a fait un petit montage anglais-français, et puis bah, la Sheila de l'époque, en 1974, puisqu'elle nous interprétait « Tu es le soleil ». We'll be right back. Nos coups de cœur. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Alors, est-ce que vous préférez Karen Cheryl en français, en anglais? Bon, ça, c'est vraiment une question de goût. Petite anecdote tout à fait personnelle, quand j'entends ce titre de Sheila, j'étais jeune à l'époque et j'étais allé la voir à la Foire Expo de Nancy. Elle était venue avec Ringo dans le cadre d'un podium RTL et je l'avais approchée, c'était très très sympathique. Que des bons souvenirs à l'époque. Alors justement, dans les années 70 et 80, Isabelle Morizet mène une carrière de chanteuse de variété dans un style néo-yéyé, imitant la musique pop adaptée des chansons américaines ou étrangères qui avaient fait le succès des chanteurs yéyé. Mais alors que ce genre de chansons dominait les hit-parades durant l'époque yéyé dans les années 60, en fait, leur âge d'or est alors révolu en France depuis déjà quelques années. Alors son premier 45 tours, Garde-moi avec toi, sort en 1975, suivi de Ma vie n'appartient qu'à toi, Aimée ou amoureuse, Samedi, dimanche et fête. Et tous ces titres connaissent un succès d'estime. Mais après les titres Mamma Mia en 76 ou L'amour que l'on se donne en 77, elle connaît un fléchissement de ses ventes, si bien que son producteur décide, à l'instar de Claude Carrère pour Sheila, de lui faire enregistrer des titres disco en anglais. On va réécouter ce premier titre de Karen Cheryl, Garde-moi avec toi, puis un des poulains de l'équipe de l'époque, c'était Monty qui, rappelez-vous, a fait un gros carton avec l'hymne des Verts. Allez les Verts, allez, on écoute ces deux titres. Garde-moi avec toi, amoureusement. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, c'était en 1976 pour l'équipe de foot de Saint-Étienne, bien sûr. On revient à notre coup de cœur. En 1978, Karen Cheryl effectue un stage de danse à New York. Elle change de look, la queue de cheval remplace les cheveux longs et elle enregistre en anglais, mais surtout américanise son nom de scène. En 78 et 79, les titres Sing to Me Mama et Show You're Man Enough sont de grands succès. Par contre, alors une anecdote très importante quand même, en 1980, Mariti et Gilbert Carpentier lui proposent un numéro 1 en vedette, à une condition, qu'elle y chante en français. Ça rigolait pas à l'époque, hein. Donc à la va-vite et pour l'occasion, ces deux plus grands tubes disco en anglais sont adaptés en français et c'est ainsi que sous la plume de Claude Lemel, Sing to me mama devient Chante pour nous mama et Show me your man enough devient La marche des machos. Et on a écouté un mix du premier titre anglais-français il y a quelques minutes. On va écouter l'autre, La marche des machos, et sachez que l'émission a été un succès d'audience et que le 45 tours avec ces deux titres se vend grâce à La marche des machos un succès équivalent à Show Me Your Man Enough. Alors poussé par ce succès, son producteur demande à Didier Barbelivien d'adapter un titre qu'elle avait enregistré en anglais, I Hope It's Me, qui deviendra Si. On l'écoutera un petit peu plus tard dans l'émission. Le single sera également disque d'or, si bien que la version originale sort au printemps 1981 en ne connaissant pas le même succès qu'en français. Show me your man enough, La marche des machos, on a refait un petit montage bien sympathique. Et puis, ben, on a parlé de Didier Barbelivien, on va l'écouter chanter Les mariés de Vendée. Show. Sur les chemins de terre, sur les arbres écorchés, je t'attendais dans mes prières, dans le feu des bruyères, des soleils de janvier. Je t'attendais, je t'attendais, je t'attendais. Et les églises se souviennent, les tout premiers je t'aime. Écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Si vous nous rejoignez, sachez que notre émission est aujourd'hui consacrée à Karen Cheryl. En 1981, Les Nouveaux Romantiques, adaptation par Didier Barbelivien du tube de Ricci et Poveri, Sara perché ti amo, est un nouveau succès, suivi en 82 d'un titre en hommage à Claude François, Je me souviens, et d'une seconde adaptation d'un titre de Ricci et Poveri, Made in Italy, qui devient Oh chéri chéri, et que nous écouterons en live à la fin de l'émission. Alors ce titre, Oh chéri chéri, a obtenu également un disque d'or. En 1983 paraissent les titres Twister ma peine en duo avec Sandra, également Pense à moi quand même. En 84 par contre, Karen Cheryl refuse que son producteur fasse d'elle une ambassadrice Disney et sort 3 45 tours chez IBAC avant de rompre son contrat avec ce dernier. Les 45 tours c'était Vive les hommes, Maman la plus belle du monde, une reprise de la chanson de Luis Mariano et puis Feeling. reprise disco de la chanson de Maurice Albert. Alors, le contrat avec Disney échoua alors à qui ? Ah bah, à Dushka Esposito, Dushka, on l'appelle plus de cette façon-là, qui n'est autre que la belle-fille de Mémé Ibak. Bizarre un petit peu ce monde du showbiz. Alors, à cette époque, Karen Cheryl tourne dans le film J'ai rencontré le Père Noël de Christian Gion, qui sort pour Noël 84 et dont elle enregistre les chansons de la bande originale composée par Francis Lai. On va écouter ses nouveaux romantiques, et puis j'ai fait allusion à lui, c'était Karen Cheryl qui l'a reprise. On va écouter l'original, Maman, la plus belle du monde. Ah, ça c'est joli. Mais rien ne vaut l'image. Belles chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. Entre 1985 et 1991, Karen Cheryl signe successivement des contrats chez Polydor, Flarenage et sort 45 tours. Amor et Mio, Golden Girl et Pas de panique en 85, À l'envers à l'endroit en 87. Après 2 ans d'absence, elle fait son retour avec un 45 tours au son Les Anges, dont elle a écrit paroles et musique avec la collaboration de sa sœur Sophia Morizet. Nouveau style, nouvelle image, Karen franchit le pas grâce au conseil de Jacques Higelin et avec Grégoire Collard comme attaché de presse. Sorti en novembre 89, le disque a connu un beau succès d'estime et une très belle presse, mais dommage qu'il n'y ait pas eu un album pour concrétiser ce beau travail. Bien que bénéficiant de passages télévisuels promotionnels importants, aucun de ses disques ne parvient à entrer au top 50. En 91, elle accepte de signer un nouveau contrat discographique avec son premier producteur, Humbert, Mémé Bach, hein, de chez Carrère, ce qui donne lieu à la sortie du titre L'amour fou, qui ne trouve pas non plus son public. Après cet échec, Karen Cheryl décide de laisser de côté totalement sa carrière de chanteuse et de se consacrer à l'animation d'émissions de télévision, puis de radio et de jouer dans les sitcoms. Allez, on en parle un petit peu plus tard. Où sont les anges ? Moi, je trouve personnellement que c'est une de ses plus belles chansons. Et ensuite, la petite Douchka, Si simplement, si si. Ça vous rappellera peut-être quelque chose, c'est une comédie musicale. Sans cesse, sans tendresse, Alors une petite précision, puisque j'ai annoncé que Karen Cheryl avait complètement tourné la page de la chanson, il faut savoir qu'il y a quand même eu une tentative en 1999, puisqu'elle a enregistré en secret un album de reprise de chansons françaises de France Gall, Françoise Hardy, Nicolas Perrac, entre autres, même Joe Dassin, avec le groupe Dire Garçon. L'album n'est sorti qu'au Québec, le saviez-vous ? Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ayant définitivement tiré un trait sur son passé de chanteuse, elle refuse que ses albums des années 70 et 80, édités à l'époque en 33 tours, soient édités en CD, tout comme elle refuse que sortent des compilations de ses chansons, raison pour laquelle seulement deux sont sorties. Vous ne la trouverez pas sur les plateformes de téléchargement. Quelques mots sur sa carrière de télévision. Dans les années 80, elle est animatrice, notamment pour des émissions destinées à la jeunesse, telles que Vitamine. Au début des années 90, elle anime le jeu Hugo Délire, diffusé sur France 3. En 95, elle joue le rôle de Karen Garnier, un des personnages de la série Les Nouvelles Filles d'à côté. À noter qu'elle a tourné quand même 100 épisodes. En 2010, Isabelle Morizet est de retour dans l'émission Les Grands du Rire et reprend son nom de scène, Karen Cheryl. Elle apparaît dans certaines émissions de Patrick Sébastien, notamment Les Années Bonheur. Puis elle présente sur France 3 avec Yves Lecoq et Henri-Jean Servat un divertissement musical. Toujours sur France 3. Elle a animé, alors écoutez bien parce que c'est assez intéressant, elle a animé Été Parti 80 dans les arènes de Dax. Elle accepte alors de chanter son titre Oh chérie chérie en playback, poussée par le public, c'est ce que nous allons écouter en fin d'émission. Mais ce passage télévisé entraîne son éviction de la coprésentation de l'émission Les Années Bonheur avec Patrick Sébastien, puisqu'il était prévu dans cette émission Les Années Bonheur qu'elle rechante, mais elle avait toujours refusé de le faire et puis elle l'a fait ailleurs. Voilà. On va écouter un extrait de Dire Garçon, le groupe, le disque qui est sorti uniquement au Québec. C'est une reprise des Champs-Élysées. Vous allez voir, c'est assez, comment dire, assez troublant. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert. C'est assez troublant, hein, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je suis pas sûr que ça puisse vraiment faire un grand succès. Moi personnellement, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, mais disons que c'est pas une évidence. Alors on revient maintenant au côté de la carrière radiophonique de Isabelle Morizet. De 2001 à 2008, elle interviewe sur Europe 1 des personnalités de divers horizons dans une émission diffusée le week-end. En janvier 2012, la nouvelle direction d'Europe 1 la rappelle pour une nouvelle émission intitulée « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Diffusée d'abord tous les dimanches, qui propose de passer une heure en tête-à-tête avec des invités d'horizons différents, acteurs, chanteurs, écrivains, pour comprendre les grandes étapes de leur vie personnelle et professionnelle. Sachez qu'elle est encore à l'antenne d'Europe 1 de 13h à 14h le samedi et le dimanche, c'est-à-dire tous les week-ends, pour une émission « Il n'y a pas qu'une vie dans sa vie », un entretien d'une heure, donc avec un invité. Et en fait, elle retrace alors une destinée au-delà des évidences, au-delà de ce que le public classique connaît de l'invité. C'est un petit peu ça le principe de son émission. On reparle de sa vie privée dans quelques secondes. Pour l'instant, on écoute un de ses grands succès-ci. Les enfants, si il aime le silence et le vent, si il pense un peu comme je pense, c'est gagné d'avance. L'homme que j'aime, ce sera lui. Si il aime la musique et joue fort, c'est même encore un peu plus fort. Sur l'équateur, s'il a dans la tête certaines idées du bonheur. Mais je vous dis bien, si il aime la musique qui rend fou, s'il est encore un peu plus fou. S'il a dans le cœur radio branchée sur l'équateur, s'il a dans les yeux la force d'être toujours vainqueur. De l'automne, moi qui aime Rimbaud et John Lennon, si il est un peu comme je suis, moi pour toute la vie, l'homme que j'aime, ce sera lui. Si il aime la musique et joue fort, s'il m'aime encore un peu plus fort. Alors quelques mots sur la vie privée de Karen Cheryl. Isabelle Morizet, c'était la sœur aînée de Sophia Morizet, ingénieure du son, qui a composé pour elle plusieurs titres, notamment « Où sont les anges » qu'on a écouté tout à l'heure. Sachez que dans les années 80, elle est en couple avec l'avocat Eric Tubiana, puis elle a un fils Oscar en 1980. 85, avec le dessinateur Jean-Claude Gotting, qui est né en 1963. En 2002, elle épouse Jérôme Bellet, alors directeur de la station de radio Europe 1. Voilà, vous savez à peu près tout sur Karen Cheryl. Je vous propose que l'on se quitte en l'écoutant en public. C'est un petit peu un cadre particulier, puisque c'était dans les arènes de Dax lors d'une émission diffusée sur France 3. Et ça lui a valu sa place chez Patrick Sébastien. On la retrouve tout de suite. Oh, allez, tu y vas. Mais alors, vous chantez avec moi. Oui, oui, regarde bien. Chérie, chérie, les paroles de ma vie, c'est un soleil qui viendrait de ta vie. Le télégramme, mais le mélancolie. Oh, chérie, chérie. La musique de ma vie, c'est du soleil. Merci. Vous avez fait de ma vie quelque chose d'incroyable. Je vous dois tout. Merci, merci. Ça a été magnifique, cette époque en chanson. Assez émouvant. Eh bien, écoutez, on va devoir refermer cet album de coup de cœur consacré à Karen Cheryl. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur le podcast de la station, bien sûr via internet www.fadjet.net, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez nous retrouver. Nous, un nouveau numéro s'ouvrira la semaine prochaine, de nouvelles aventures à partir de 17h jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite de passer une excellente semaine dans le cadre de ce printemps 2023 et que la météo soit sympa avec nous. Salut !